ils font. Pardonne même à mes frères, seul c'est un saliste ton nom. On journal tous les matins, perce ton censuré main. Dans mes pensées assassines, épuisées, retombées acides, ont un parfum matricide. Pardonnez à mes frères, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez à mes frères. Seuls certains salissent ton nom. Mes frères, seuls certains salissent ton nom.